Y'a rien à battre, c'est pour une session freestyle. Je débarque pas, mais de ma barque, je m'éclate là sur un truc de la psychiatre à deuxième échappé, l'hôpital psychiatrique, force de néo-mic. Mes voix sympathiques, je m'applique sur ce putain de beat. CCL2E, hors norme technique, deuxième DTH, les deux compères, HNT, ça vient démonter sévère sa mère. Toujours repé dans les enceintes, deuxième avec des TH qui lâchent des passes de ouf. Et ouais, tu vois flou, je te rends fou. Toujours repé en action, improvisation, sans me poser de questions, j'agis garçon. Et ouais, je mets tout ce que je vaux dans ma passion. Toujours OP, HNT, clic, t'inquiète, je viens et je suis pas coincé sur des beats.